Des carnets, des réflexions sur la vie et sur l'art et des commentaires BD ce vendredi à La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, avec vous comme à l'habitude jusqu'à 18h30 pour porter un regard sur le 9e art, un regard également cette semaine sur l'univers de l'illustration jeunesse. Ça fait quand même quelques semaines qu'on n'en a pas parlé. Et un auteur de Québec qui a lancé il y a quelques semaines déjà un album qui s'appelle 752 Lapins. En fait, il s'agit de l'illustratrice Valérie Boivin qui, aux côtés de l'auteur François Blais, que vous connaissez sûrement pour son travail de roman qui signe là son premier texte jeunesse, eh bien, on va faire cette histoire fort sympathique d'une princesse et de ses 752 lapins. Une histoire finement illustrée d'ailleurs. On avait bien envie de vous en jaser, surtout qu'on suit de manière assez proxime d'ailleurs le travail de Valérie Boivin ici à l'émission pour l'avoir rencontré notamment lors de son dernier album, tombé perché sur mes hautes jambes. Voilà. Alors ça, ce sera en deuxième moitié d'émission. Il y aura également Marco Duchesne qui va être avec nous pour jaser BD. Alors, plusieurs albums qui sont dans sa liste de sujets. Alors ça, ce sera en toute fin d'émission. Et tout à l'heure, enfin, on va parler avec Robert Marcel Lepage. Vous connaissez évidemment comme compositeur, comme homme de la scène, en fait, qui a offert moult présentations, propositions et le reste. Peut-être ne saviez-vous pas qu'il dessine également. Alors, il a offert une BD il y a de ça plusieurs années du côté de Métanique Générale. Dans les années 70, il avait accompagné un de ses albums par également un petit recueil dessiné. Et en parallèle, en fait, ça fait des années qu'il tient des carnets, en fait, où il écrit ses pensées, ses réflexions, mais en format BD. Et La Mauvaise Tête a proposé il y a quelques semaines une édition de ses carnets de 2007 à 2015. Alors, ça nous permet une forêt dans les réflexions de cet homme-là, sur son travail, sur l'art, sur la vie, sur le vieillissement, sur le métier, sur l'absence de travail, sur les subventions et le reste, alors sur la mécanique, sur la pensée, un récit à la fois philosophique et pratique qui langue dans l'autodérision par moment, dans l'humour, dans la réflexion, côté philosophique à travers tout ça. Alors ça donne quelque chose de fort intéressant et ben je trouvais que ça donnait une belle assise également, une discussion quand même sur la pratique, le métier d'auteur. Un peu dans la veine d'ailleurs des thématiques qu'on a touchées la semaine dernière avec Jimmy Beaulieu. Alors Robert Marcel Lepage sera avec nous dans quelques minutes ici à l'émission pour parler donc de ce nerf initiatique. Alors c'est le menu pour cette semaine. Alors, dans l'actualité, cette semaine de 15 titres, on passe à 5 après avoir mentionné la semaine dernière les 15 titres de la sélection du Grand Prix de la critique à CBD 2016, donc l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée dont je fais partie. Et je passe donc maintenant aux 5 finalistes. On parle de Monsieur Désir de Virginie Augustin et Hubert chez Glénat, de Pereira Prétend de Pierre-Henri Gomeau d'après Antonio Tabucci chez Sarbacane, de Shangri-La de Mathieu Bablet chez Ankama, de Stupor Mundi de Nige chez Gallimard et des voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel chez Daniel Maguen. Alors, une belle série de bandes dessinées, personnellement, mais évidemment, j'ai des coups de cœur pour certains albums plus que d'autres. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs au fil des critiques et commentaires BD qu'on offre ici à l'émission, mais c'est clair que ça reste 5 très, très intéressantes lectures. Et le 28 novembre prochain, on connaîtra les gagnants, donc ce qui veut dire que dans le cadre de l'émission du 2 décembre, eh bien, j'aurai le plaisir de vous le mentionner. Évidemment, si vous suivez mes chroniques sur voir.ca/Raymond-Poirier, ben vous le saurez vraisemblablement le 28 novembre quand ça sortira. Et par ailleurs, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a également annoncé un nouveau prix, le prix jeunesse ACBD. Un objectif étant, à l'image du Grand Prix d'ailleurs, là, c'est de soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou les moyens que l'auteur y déploie. Et la sélection du prix jeunesse a été effectuée, elle, par une quinzaine de journalistes et critiques spécialisés. Cette quinzaine de journalistes-là a effectué une première sélection de 5 titres et sur laquelle, un peu à l'image du Grand Prix d'ailleurs, là, les 88 membres de l'association sont appelés à voter. Alors pour ce qui est des 5 titres jeunesse, on parle des effroyables missions de Margot Malou, de Drew Wang chez Gallimard, de La poudre d'escampette de Chloé Cruchaudet chez Delcourt, de Roller Girl de Victoria Jamison chez Édition 404, de Space Bullet de Craig Thompson chez Casterman et du tome 2 des Super de Dawid et Frédéric Maupomé chez La Gouttière. Et de ce cas-ci, le gagnant sera annoncé le samedi 3 décembre. Alors voilà pour ces récompenses. Parallèlement, je m'en voudrais de ne pas le mentionner, il y a vraiment une série d'adaptations cinématographiques de bande dessinée qui ont été lancées cet automne, notamment Bones, selon The Hollywood Reporter. Le réalisateur Mark Osborne, qui a fait Kung Fu Panda, a été choisi pour adapter au cinéma Bone de Jeff Smith, un comic qui a été publié de 91 à 2004, publié en France chez Delcourt, qui raconte les aventures de Phone Bone et de ses cousins Phony et Smiley, trois petits personnages à gonner qui se retrouvent dans une vallée étrange peuplée d'humains, de rats-garous et le reste. Pas de date de sortie encore pour celui-là. Au niveau de la BD française, il y a Les Légendaires qui aura une adaptation télévisée. Ça devrait être diffusé éventuellement, en fait, peut-être 2017. Alors, 26 épisodes de 26 minutes chacun, prévus sur 25 tomes, en fait, d'ailleurs. Alors, ça sera à surveiller. Également, Zombielennium, qui se retrouvera au cinéma l'année prochaine, dont le deuxième tome, d'ailleurs, avait reçu le prix du meilleur album jeunesse en 2012. Donc, film d'animation, signé Arthur Bepin. Je vous rappelle que cette BD se déroule dans un parc d'attractions géré par Francis Von Bloot, vampire de son état, qui, en termes d'employés, refuse les simples mortels. Alors, un scénario original qui a été développé pour le film, ça sera pas l'adaptation d'une des bandes dessinées. Il y a également Arte qui va faire l'adaptation d'Un ciel radieux de Taniguchi en format téléfilm de 90 minutes. Alors, ça sera à la fin de l'année, ça s'en vient très prochainement. Alors, je vous rappelle que le roman raconte l'histoire d'un transfert d'esprit entre un adolescent et un père de famille après un accident de la route. Alors voilà pour cette série d'adaptations. Alors, on aura sûrement plusieurs occasions de découvrir la BD sur le grand et le petit écran au fil de l'année à venir, en plus de toutes celles qui étaient d'ores et déjà annoncées. En matière musicale, cette semaine, on reste dans l'album de Philippe Braque. Bienvenue à Enfantville. On écoute un premier extrait, Chaudron du chimpanzé. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion. Vous pouvez trouver tout ça sur lavieenbd.wordpress.com au fil de nos 6 saisons d'ailleurs. Et maintenant, on tombe dans des sorties quand même relativement récentes. En fait, La Mauvaise Tête qui a lancé 3 albums d'ailleurs au fil de l'automne. On aura l'occasion de revenir sur les autres. Mais le premier dont on voulait vous parler s'appelle Le Nerf Initiatique. C'est des carnets de Robert Marcel Lepage. L'auteur est avec nous au bout du fil pour en parler. Monsieur Lepage, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Ben Amblé, en fait, pour situer un peu le travail, c'est issu de vos carnets, vos carnets personnels esquissés de 2007 à 2015. Est-ce que c'est un travail qui, au départ, était destiné à être publié ou qui était destiné essentiellement à vous-même pour votre plaisir, à vous? Non, c'est très personnel. C'est vraiment mes carnets. C'est quelque chose que je fais. C'est vraiment comme ce sont des carnets quotidiens. Je dessine à tous les jours. Je fais mon petit dessin d'humeur et... Je pensais pas, non, c'était pas pour être publié, mais quand Sébastien Trahan a vu ça, il me dit, écoute, il y a matériel là vraiment pour une publication, est-ce que ça te dit? Puis j'ai dit, OK, pourquoi pas? Oui, parce que c'est pas la première collaboration d'ailleurs avec Sébastien Trahan. Il y avait déjà eu une collaboration pour La Mauvaise Tête. Vous faites également des spectacles ensemble. Vous êtes venu en présenter un à Québec d'ailleurs il y a quelques temps. Donc c'est un peu venu, il côtoyait votre travail depuis déjà quelques années. Exactement. En fait, je l'avais rencontré chez René Lucier. Il était en train de préparer le site web de René Lucier, mon collègue compositeur. Et puis, René lui avait dit, écoute, Robert, il fait des petits dessins. Peut-être ça t'intéresserait. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis moi, Sébastien aussi est guitariste. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être un drôle de truc. On pourrait s'échanger des dessins et des musiques. Et c'est comme ça que la collaboration est née. Oui, parce qu'en même temps, on vous connaît pour beaucoup de facettes, en fait, comme homme de la scène au niveau musical, entre autres. Mais le dessin, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la facette plus privée, plus cachée aussi de vos modes d'expression. Donc, qu'est-ce qui avait fait peut-être au départ que vous n'avez pas eu le réflexe ou eu le désir, peut-être, à part deux occasions dans le passé avec Mécanique, puis en accompagnant un album il y a plusieurs années de ça, mais que vous n'avez pas eu le désir de faire le saut en BD? C'est que... En fait, la BD m'est arrivée à un moment où j'étais débordée de travail dans la musique de film et je me rendais compte que les contraintes techniques, directives, artistiques, etc., toutes les contraintes qu'on peut imaginer dans un métier comme le mien, faisaient que j'avais l'impression que j'arrivais pas à m'exprimer personnellement plus à fond dans la musique de film particulièrement, pas dans ma musique personnelle. Dans ma musique personnelle, les disques, les spectacles, tout ça, c'est mon âme qui s'exprime. Mais la musique de film prenait de plus en plus de place dans ma vie. J'ai des blessures aux mains qui faisaient que je pouvais de moins en moins jouer live. Et donc, la BD m'est apparue comme une porte de sortie, quelque chose par lequel je pouvais m'exprimer vraiment personnellement, sans contrainte, sans que personne me dise quoi que ce soit. Et ça fait du bien à mon âme. Mais c'est un peu votre passé, parce que vous avez une formation de graphisme au départ, donc ce qui fait que le dessin vous est pas étranger. J'ai pas une formation de graphisme, mais j'ai un talent. J'ai un talent brut, je dirais. Et j'ai été brièvement graphiste dans une entreprise de pièces d'auto tout de suite après mes études en musique. C'est pas évident, là, de trouver du métier en musique, ça a pris du temps, donc en attendant, il a bien fallu que je gagne ma vie. Et dans un département de marketing, j'ai commencé à faire un peu de graphisme, et c'est ça, ma formation est sur le tas. Et au niveau des carnets, je pense que c'est dans la préface d'ailleurs, votre fille qui dit, ben c'est ce que ça a été pour vous un peu une manière aussi de replonger dans une certaine réflexion, philosophie spontanée, dans un certain mode d'improvisation? Exactement, oui. Parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'aimais dessiner quand j'avais du temps, mais j'avais tendance à faire des dessins crayonnés que je me disais je vais les ancrer plus tard. Et finalement, je les ancrais jamais, je trouvais jamais le temps pour le faire. Alors là, j'ai décidé de le faire du premier coup, directement à l'encre, au propre, d'un premier jet. Et là, forcément, en faisant ça, je me suis retrouvé à avoir ce feeling-là de l'improvisation, c'est-à-dire le premier trait qui est plus ou moins spontané. La plupart du temps, je sais pas qu'est-ce que je vais dessiner. Je prends mon crayon, puis là, tout à coup, il y a une face qui apparaît, il y a des cheveux, il y a des arbres, il y a des personnages, dans les hachures du fond du dessin apparaissent toutes sortes de... Et il y a aussi, évidemment, les réflexions, la lecture, les échanges avec moi-même, avec le dialogue intérieur qu'on peut se faire, est assez nourri et enrichi par cette spontanéité-là, en fait, par le fait que je sais pas qu'est-ce qui va me répondre, en fait, le dessin. Donc, enfin, on lance un peu, on anime un peu une réflexion, une espèce de cadavre exquis qu'on se fait avec soi-même en lançant un propos, en se lançant un point de départ, puis en voyant un peu vers quels éléments on va en arriver côté mise en papier en matière Exactement. De... Mais il y a aussi une espèce de rythme. Hein. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans... Mettons, je fais une première constatation qui est très quotidienne, qui est très... basic, là, quelque chose que tu constates. Tu te lèves le matin puis tu te dis, ben coudonc, il pleut. Mais là, il y a la case du milieu, tu vois, il y a ce rythme-là du comic strip en trois cases ou en trois ou quatre temps. Puis il y a cette case-là au centre où il y a un silence. Et j'adore le silence. Pour un musicien, c'est toujours très intéressant. J'adore le silence de la bande dessinée. J'adore le fait que c'est muet. On lit, on l'entend, mais c'est muet. À la base, c'est muet. Puis en plus, il y a des cases où il n'y a rien d'écrit. Donc là, il y a encore même... Il n'y a plus de paroles, il n'y a plus rien. Cette espèce de silence-là m'attire. J'aime beaucoup cette case-là du milieu. Il me semble être une espèce de pause. Et ça donne des beaux moments, d'ailleurs, aussi, parce qu'il y a plusieurs sections dans l'album. Pour contextualiser pour les auditeurs, en fait, vous vous mettez en scène, évidemment, et souvent, vous mettez en scène en train de faire des choses, faire des actions. Et pendant un grand moment d'une ère initiatique, Robert-Marcel Lepage, la natation devient un peu le support à ces réflexions-là. Et dans le contexte des pages blanches, ça donne presque l'impression que votre avatar est en apesanteur. Et ce silence-là prend un poids bien particulier aussi dans cette manière d'imager la réflexion. Tout à fait. Très bien dit. Je vous engage. Et justement, en fait, c'est vous dites un peu plus loin, parce que je parlais de la piscine, mais il y a des tâches manuelles, pelletées, sculptées également. Donc, il y a ces éléments-là, mais un peu plus tard dans l'album, vous dites, oui, mais ces actions sont là pour être un simulacre. Donc, c'est vraiment le plaisir d'inventer, en fait, des moments propices à la réflexion, mais de pas nécessairement les avoir vécues, dans le fond. Donc, c'est un peu dans... On tombe un peu dans de l'autofiction. Oui, ben tout à fait. Il y a comme une espèce de... C'est sûr que je pelte, mais je fais pas de bonhomme de neige, mais j'aime les dessiner. Donc c'est très... effectivement, il y a cette espèce de distance un peu ironique par rapport à l'activité que je me prête en dessinant. Mais la vraie activité, en fait, c'est que je dessine. C'est la réalité, mais je peux pas... Ça serait un peu embêtant de toujours me dessiner en train de dessiner, donc je préfère... Je préfère étirer la métaphore. Et après le silence, évidemment, vient aussi la réflexion, on vient à se poursuivre et ça donne des par moment, en fait, des, ce que je pourrais qualifier de perles aussi ou de beaux moments aussi de réflexion qui sont propices aussi au lecteur, évidemment. Et j'ai bien aimé, entre autres, en fait, quand vous dites quand je suis inquiet, je crée, mais ce que je crée m'inquiète. Oui, ben en fait, je réinvente un peu des aphorismes. Il y a comme une il y a une réflexion tout le long du, en fait, toute cette courbe là Sébastien a vraiment fait un beau travail, parce que pour bâtir les 200 ou 300 pages qu'il y a dans ce livre là il en a lu 1000. Il a fait vraiment une courbe, puis c'est une courbe qui correspond assez bien au cheminement d'un personnage qui se questionne, qui se pose des questions sur la vie, sur le vieillissement, sur mais en même temps tout ça avec une distance, une ironie, une autodérision qui est assez saine, je crois. Bien que des fois même il y a une page où le personnage dit faut faire attention, l'autodérision et non pas l'autodépréciation. Donc c'est des préoccupations, je pense, assez générales, assez humaines. Et en même temps privé, mais en même temps, ça me dérangeait pas de les partager. Oui, mais en fait, c'est un peu un cheminement où on sent... En fait, ce qui en ressort beaucoup, c'est d'un côté, enfin, un plaisir de créer, et de l'autre côté, une inquiétude à créer, ou une inquiétude aussi à aller chercher perpétuellement les subventions, à avoir du travail, peut-être le stress de ne pas assez travailler. Donc, un peu toutes les angoisses qui animent un peu... qui animent les alentours du travail de création. C'est très... J'ai beaucoup d'admiration pour les artistes parce que je trouve que c'est dur. On est dans un milieu difficile où Pierre Lapointe a fait une sortie récemment là, à propos des artistes de calibre A, B, C, D. Mais quand tu es un artiste de calibre X, c'est-à-dire que tu n'as aucun pouvoir d'attraction par rapport à la renommée, par rapport à la pipolisation de nos ondes, ben là, ça devient extrêmement difficile. C'est très difficile d'aller chercher les sous, de gagner sa vie avec ça. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de ça dans la réflexion, parce que c'est sûr que même si ça fait 30 ans que je fais de la musique de film, même si j'ai un beau métier, une belle carrière, ça reste très très fragile, ça reste toujours quelque chose à pousser comme un débutant. Et en même temps, en fait, je reprends une réflexion que vous amenez un peu pour faire du pouce sur ce que vous dites. À un moment donné, votre avatar se demande si, à un certain point, on en vient à recréer plutôt que créer, de répéter plutôt que d'inventer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a quelque chose dans le domaine de l'art où les gens, ou en tout cas les gens à qui on s'adresse, préfèrent reconnaître que connaître. Préfèrent reconnaître quelque chose. Ah oui, je connais lui. Ah oui, je connais son style. Ah oui, je reconnais cette musique-là. Je reconnais cette mélodie-là. Je reconnais ce style-là. Et bon, si la valeur chez vous est de toujours créer du nouveau, ben vous êtes frustré parce que les gens veulent pas avoir de nouveau. Ils veulent reconnaître ce que vous faites. Donc, on le sait, il y a bien des artistes qui sont très connus, puis ils sont tannés de chanter toujours la même chanson parce qu'on veut toujours entendre la même chanson. Et on veut pas entendre ça, une nouvelle chanson, on veut entendre le Fuck en Alaska, on veut entendre le Frédéric, on veut entendre... Donc, il y a une espèce de frustration de se frapper à un mur il y a une espèce de mur d'indifférence face au... En tout cas, une inquiétude face à la nouveauté. Bon, c'est sûr que moi, je suis un compositeur de musique instrumentale. Donc, c'est comme, on dirait, dans l'échelle de la reconnaissance, c'est très loin. Parce que les gens préfèrent quand il y a des paroles, les gens préfèrent quand il y a une espèce quand il y a de la mélodie, etc. Donc, dans l'échelle de ce qui est populaire, je suis très loin. Musique instrumentale, expérimentale, musique extrême, même souvent bruitiste. Alors donc, on frappe ce mur-là, des fois. À la limite, en fait, j'aurais tendance à dire que si on n'est pas dans le mur de l'obligation de la répétition, on est dans le mur de l'obligation de la nouveauté. Au niveau des subventions, des programmes, on subventionne rarement un spectacle dans la durée, mais plutôt un spectacle dans les premières lancées ou une nouvelle création. C'est vrai. Il y a une contrainte là aussi. Il y a la contrainte du nouveau. Faut toujours refaire quelque chose d'inédit, trouver une formule de présenter les mêmes choses, mais que ça a l'air inédit. C'est sûr qu'il y a... autant quand je travaille pour la télévision, on veut que ça sonne comme tout le monde. Autant si je demande une bourse au Conseil des arts, on voudrait que ça soit très différent. Donc ça, c'est des contraintes. On peut vivre avec les contraintes. C'est juste que mon personnage, mon avatar, comme vous dites, il y a 30 ans de métier, il y a des milliers d'heures de musique enregistrée. Puis effectivement, à un moment donné, on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et à un moment donné, on sent aussi, puis comme vous dites, c'est un peu inspiré de vos pensées, de vos réflexions. Et à un moment, ben, en fait, vous dites que vous mesurez un peu votre degré de vitalité au désir que vous avez de créer. Et que si ce désir-là n'est plus là, ben c'est votre perception de la vitalité dans le fond qui tombe un peu. Votre désir d'avancer qui tombe un peu aussi parce que c'est tellement imbriqué dans le désir de créer. En fait, c'est beaucoup ce qui ressort d'ailleurs d'une ère initiatique, la volonté, le désir, la place que la création prend dans votre travail et dans votre vie de manière très très large là. Oui, il y a comme une espèce de... Effectivement, le désir de créer est immense, pour moi en tout cas. Même après mes premières armes, là, mes premiers spectacles en 75, on parle de 40 ans de carrière, je suis toujours étonné de voir que j'aurais le goût de faire un autre truc, j'aurais le goût d'essayer de faire un machin comme ça. Il y a comme une espèce de désir de création qui est vraiment étonnant. Je trouve très surprenant. Et à travers le travail de Carnet, pour revenir un peu, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu un journal intime aussi, mais à travers le dessin, est-ce que vous avez l'impression que ça vous permet d'aller plus loin qu'un journal intime classique? Je prends l'exemple d'aller chercher des images comme votre arbre hypochondriaque et le reste, que ça débloque des choses que simplement à l'écrit, vous n'auriez pas réussi à débloquer. L'écriture est pas un moyen d'expression pour moi. En fait, les premiers carnets avaient aucune parole, il y avait que des dessins. Donc le dessin est abstrait. Le dessin ressemble beaucoup à la musique pour moi. C'est facile pour moi de dessiner, d'assurer ça. Il y a une espèce de correspondance avec la musique. C'est très parent pour moi. Les paroles, c'est nouveau pour moi. Je me souviens que dans mes premiers carnets, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien qu'il parle, ce bonhomme-là. Il faudrait bien qu'il s'exprime. Et donc, ça, ce chemin-là a été très particulier, très nouveau, très très inédit. Il y a même eu une période où je me suis dit tiens, je vais mettre les paroles du carnet en musique, en chanson. Et j'ai fait deux spectacles avec les musiciens de la Nef autour de ça, les carnets mouillés et puis c'était toutes des chansons qui étaient tirées de ces petits aphorismes-là, de ces petites trouvailles. Mais c'était vraiment un débutant, quoi, quelqu'un qui a pas l'habitude de s'exprimer en mots et qui là tout à coup prend ce moyen-là. Là maintenant, ces derniers temps, j'écris beaucoup, je lis beaucoup sur la philosophie. Et j'écris beaucoup à partir de mais je lis pêle-mêle, j'ai pas de programme, j'étudie pas la philosophie, je lis des livres et ça a des résonances aussi sur la façon de d'écrire et d'échanger avec moi-même, parce que comme la philosophie c'est très complexe mais c'est très abstrait, il y a quelque chose là aussi qui résonne, qui est en résonance avec en particulier avec l'improvisation. Puis vous y référez d'ailleurs aussi dans le livre, il y a des citations de différents auteurs. Enfin, on sent peut-être vos lectures un peu qui viennent être reflétées un peu dans vos carnets. Exactement, c'est ça. Je pense que là, j'ai continué, et ça, ces carnets-là arrêtent, je pense que Sébastien est allé jusqu'en 2015 quand même, mais toute 2016 et continue la même... je dirais pas vu que c'est un carnet quotidien, il n'y a pas de programme, il n'y a rien qui décide je vais faire ci, je vais faire ça, mais je peux vous dire que dans la continuité des carnets, il y a de plus en plus de réflexions sur la philosophie elle-même. Et deux dernières questions, Robert-Marcel Lepage. Premièrement, en fait, vous donnez à votre avatar un dialogue à quelque part où il dit ne pas aimer relire ses carnets, relire vos pensées, vous auto-citer. Donc, quelle dynamique ça a apporté, le travail que Sébastien vous a proposé, dans le fond, au bout du compte, à partir de vos carnets, la mise, cette nerf initiatique qui en a tiré. Quel regard on porte un peu sur l'évolution de ses pensées personnelles? Ben ça, c'est vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ça, mais effectivement, quand vous faites un carnet personnel... en tout cas, moi, je relisais pas mes carnets. Je faisais juste dessiner. Puis là, quand je trouvais quelque chose qui était sympathique, je le montrais à mes proches. Mais sinon, ça restait. C'était pas dans l'idée de les relire. Le fait que Sébastien veuille les faire ou veuille les éditer m'a obligé à les relire. Puis là, je me suis rendu compte de la courbe des répétitions. Du fait qu'on retombe, on rumine dans les mêmes affaires, surtout un carnet personnel, c'est souvent quand on est frustré qu'on a le goût de dessiner ou de faire une remarque ou quand on a comme une déception. Donc il y avait beaucoup de choses négatives dans les dessins sont toujours très lumineux pour moi, très drôles, très sympathiques, très abstraits, mais la parole elle-même va toujours souvent dans la blessure. Et je trouvais qu'en relisant tout ça, j'avais l'air d'un homme blessé plus que dans la réalité, en fait. Il y a une espèce de condensé de la faille, un condensé de la vulnérabilité dans ce carnet-là. Mais je pense que Sébastien était intéressé par ça plus que par le côté très dadaïste des autres pages. Parce que dans le premier cahier, dans le banc de neige, le premier livre que Sébastien a fait, c'était très surréaliste. Il n'y avait pas beaucoup de ces auto-réflexions-là. Donc, il voulait pas refaire le même livre. Et donc, il a privilégié l'aspect plus humain, plus auto-réflexif. Et ça crée cette œuvre-là qui est quand même assez... je la renie pas, là, c'est vraiment ça. Mais elle donne un ton. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle, puis il y en a d'autres qui trouvent ça très pessimiste. Et je suis pas quelqu'un de pessimiste du tout. C'est ça qui est curieux. Est-ce que c'est un exercice que vous aimeriez refaire dans les années à venir, un troisième livre tiré de ces carnets-là? Oui, j'aimerais bien. Mais en fait, j'ai demandé... par exemple, dans les carnets, il y a des centaines de pages de piano. Je sais pas si vous connaissez mon autre livre sur les clarinettes. Les clarinettes ont-elles un escalier de secours? C'était toute une collection de clarinettes impossibles. J'en avais fait un autre dans les années 2012-2013 sur les pianos. Et il n'y a aucun piano qui a été gardé dans ce carnet-là. Donc, c'est beaucoup plus fantaisiste. L'aspect fantaisiste m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, j'aimerais ça faire quelque chose sur cet aspect-là. Alors, et d'ici là, d'ici à ce que ça se fasse, bien évidemment, on peut mettre la main sur cette nerf initiatique, sur ce nerf initiatique. Robert Marcel Lepage, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de soirée. Oui, vous aussi. Bye-bye. Bye-bye. Alors voilà, on s'entretenait avec Robert Marcel Lepage, donc auteur de ses carnets mis en recueil sous le titre « Le nerf initiatique », c'est du côté des éditions « La mauvaise tête ». Dans cet extrait de Philippe Braque pour vous faire une petite suggestion BD. Je vous dis d'emblée, en fait, c'est une BD que j'ai bien appréciée, lecture qui m'a littéralement entraîné joyeusement, d'ailleurs, au fil de la semaine. Il s'agit du dernier né de Craig Thompson, Space Bullet en version française, Space Dumpling. Ça fait quand même quelques années qu'il travaille sur cet album qui est radicalement différent des précédents qu'il nous a offert. Je pense notamment à Bibi. Tout d'abord, en fait, c'est en couleur. Deuxièmement, c'est vraiment une explosion de joie, de folie. Donc, on suit une jeune fille et sa famille. Son père est bûcheron interstellaire qui s'occupe à ramasser des défections de baleines spatiales qui sont un peu la seule source énergétique de la galaxie dans un futur très très lointain. Et il va éventuellement en venir à disparaître. Sa famille va essayer de les retrouver. Donc ça va nous donner une petite odyssée, si on peut dire, un space opera. Vraiment assez déluré là. C'est vraiment atypique, c'est original, c'est sympathique. C'était quelque chose, j'imagine, en fait, qu'on attendait avec impatience et qui a dû surprendre aussi les lecteurs, disons, proactifs de Craig Thompson. C'est un récit qui est drôle, beaucoup de jeux de mots, des situations improbables qui l'ornent avec l'absurde. On parle de récit de 300 pages qui nous entraîne donc dans un monde vraiment soigné, détaillé, avec une mythologie qui est complètement, je répète le terme déluré, mais qui se tient en même temps, qui a une logique interne qui est solide. Alors vraiment, en fait, je n'en parlerai pas longtemps, mais simplement pour vous dire que cet album-là, personnellement, il m'a conquis. J'avais pris pour l'observer, pour le feuilleter, et finalement, je me suis retrouvé à perdre quelques heures de ma journée à le lire. Je pense que vous risquez bien également d'en faire de même. Alors je vous le recommande joyeusement et chaleureusement, donc ce Space Dumpling, ce Space Bullet de Craig Thompson. Toujours à l'antenne de La Vie en BD sur les ondes du 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Si vous voulez suivre, on partage pas mal d'événements BD d'ailleurs à travers la province. Alors, ne serait-ce que pour cela, ça vaut la peine d'aller visiter notre page. Et maintenant, on plonge dans la sphère de l'illustration jeunesse. Une auteure qu'on suit ici, mère proactive à La Vie en BD. Alors, il s'agit de Valérie Boivin et elle nous offre aux côtés de François Blais un album qui s'appelle 752 Lapins. C'est du côté des 400 coups. Valérie Boivin est avec nous en studio pour en jaser. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, peut-être d'emblée, on situe la petite histoire de ce texte et de cet album illustré-là. François Blais, c'est son premier texte jeunesse et c'est un peu grâce à toi, dans le fond, qu'il a décidé de se lancer. C'est toi, comme lectrice, qui a décidé de le solliciter. Exact. Donc, en fait, je suis une grande fan des romans de François. Et donc, à la fin de la lecture de son roman Sam, je voulais que ça se continue, je voulais que ça se poursuive. J'étais vraiment comme déçue que le livre soit déjà terminé. C'est comme quand on mange un bon gâteau. Oh merde, c'est la fin. Alors donc, j'ai... Euh, j'ai pris mon courage à deux mains, puis c'est ça, j'ai lancé ma ligne, j'ai écrit une lettre, j'ai demandé si je pouvais être intéressée à la littérature jeunesse, parce que souvent, il y a des histoires pour les enfants qui sont un peu... qui prennent pas beaucoup de risques, et François prend beaucoup de risques dans son écriture et a accepté. Voilà, donc... voilà. Et ça a donné, en fait, il vous a soumis quelques textes, finalement, c'est le 752 Lapin, qui au départ était 752 Fennec, c'est devenu des lapins en cours de route. Oui, exact. Exact. Donc, c'est bien parce qu'on a travaillé vraiment en collaboration, lui et moi, ce qui arrive pas tout le temps, non, pas nécessairement quand on fait un album jeunesse, souvent l'auteur va être un petit peu loin, il y a comme l'éditeur qui est entre les deux, mais François et moi, on a vraiment fait le livre en collaboration dès le départ. Et au début, pour lui, c'est des Fennec. En fait, c'était un hommage à une dame qui avait écrit un livre sur les Fennecs, Catherine... Bref. Et donc, en fait, je trouvais que c'est un petit peu difficile à illustrer, puis... En même temps, t'aimes bien les lapins, de ce que j'en comprends. Oui, là. J'ai un problème. J'ai un problème, j'aime beaucoup, beaucoup les lapins. Puis j'ai dit oui, pas de problème, donc voilà. Oui, mais en fait, je me disais, parce que même en fait, tu dédies le livre à ton lapin de 10 ans. Oui. Donc, je me disais, en fait, considérant ce qu'on a vu, il me semblait que les lapins étaient un fit naturel, si tu me permets l'anglicisme. Oui, tout à fait. Donc ça, je trouvais ça rigolo de dédicacer le livre, en fait, à mon lapin domestique. Voilà. Et côté illustration, il me semble, en fait, dans tes précédents livres jeunesse, que ce soit chez Jules ou Perché sur mes hautes jambes, entre autres, il me semble que c'était pas des livres très animaliers dans 752 Lapins, c'était un peu plus omniprésent. Par contre, dans tes cartes, t'as quand même exploré pas mal l'animalier, ou est-ce que c'est venu un peu en conjointement avec les lapins? En fait, c'est François qui a proposé tout bonnement un livre avec donc les fenêtres ou les lapins, et j'ai fait « Oh là là, comment je vais faire? » Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir, puis c'est même un peu moins difficile, je trouve, à dessiner des animaux que des humains, parce que on peut faire plus d'extravagance avec des animaux. C'est pas grave s'il y a une patte qui est croche, là, je veux dire, on va peut-être un peu moins le remarquer. Et donc oui, je me suis lancée dans l'animalier, et François et moi, on prépare déjà un deuxième album, et ça va être encore dans l'animalier. Donc, tu as eu le coup de cœur des animaux. Oui! et en même temps, peut-être pour situer l'histoire, parce que je me rends compte qu'on n'avait pas encore parlé, 752 lapins, en quelques mots, c'est l'histoire d'une princesse qui perd un lapin. Et comme tu disais, en fait, c'est sans trop en dévoiler, mais on pourrait développer un peu là-dessus. C'est un livre, François a décidé de prendre des risques à l'intérieur de ça, d'aller avec une histoire qui n'est pas nécessairement typique et avec une chute aussi qui n'est pas attendue. Et exact. Ça t'a donné... Côté illustration, la possibilité de travailler entre autres avec des personnages quand même aussi assez forts, assez personnels, assez affirmés, oui. des beaux personnages quand même là. Oui, en fait, il y a aussi les seigneurs, donc trois seigneurs qui sont les personnages secondaires, mais qui finalement ont pris beaucoup de place, que j'ai vraiment apprécié les faire un petit peu caricaturaux, mais juste assez, pas trop. Et donc, en fait, le texte de François, qui est un petit peu crunchy, m'a permis vraiment de me faire plaisir, puis d'apposer un petit peu mon univers à celui de ces mots, voilà. Oui, puis enfin, on sent aussi une continuité, évidemment, côté graphique, au fil des albums, aussi dans ton travail d'illustration, toujours en fait avec des couleurs douces, un petit côté nostalgique, un côté tranquille. Aussi qu'en ressort, même si tes personnages sont très expressifs à l'intérieur de cet univers tranquille-là. Oui, c'est ça, c'est vrai, ils sont peut-être un petit peu, très expressifs, mais aussi très atténués par le fait que je prenne que j'utilise des couleurs grises, mm-hmm. tranquilles, tout ça. Donc, c'est une action qui est lente, étirée, et ça me plaît beaucoup. C'est ce qui me plaît dans le livre jeunesse. Et dans le dessin aussi, peut-être, en fait, parce que c'est pour toi, c'est un geste tranquille, dessiné, donc nécessairement, c'est un peu l'ambiance. Oui, c'est vrai, c'est, je suis pas vite, je dessine tranquillement, donc oui, j'espère, en fait, que c'est transposé dans les dessins que je fais. Et parle-moi un petit peu, Valérie Boivin, de ton approche de travail, parce que dans le fond, tu décides de commencer au plomb. Et exact. Ensuite, éventuellement, tu vas passer à l'ordinateur pour faire l'assemblage et ça devient presque un casse-tête. Exact. Donc, peut-être détaille-nous un peu, à peu près ça. Donc en fait, quand je crée un album, je travaille en pièces détachées. Donc, je vais dessiner mes princesses, je vais dessiner mes décors, je vais dessiner des éléments. Donc, tout ça en séparément. Et ensuite, j'assemble tout ça à l'ordinateur. Et c'est là que naît les mes mises en espace. Donc, j'aime rapetisser, agrandir, déplacer, virer à l'envers. Donc, j'ai pas d'idée préconçue quand je crée mes pages. C'est vraiment comme partir à la pêche et découvrir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et qu'est-ce qui t'a lancé un peu vers cette approche-là? D'emblée, peut-être, est-ce qu'on garde le plomb, est-ce qu'on garde la feuille pour avoir quand même un côté artisanal ou parce que ça vient plus facilement pour explorer? Oui, en fait, oui aussi, mais je veux pas que ça paraisse, que ce soit numérique. Donc, l'idée, c'est de tricher, mais avec beaucoup de finesse. Donc, j'essaie toujours de passer par-dessus le numérique pour pas que ça apparaisse. C'est un work in progress. Voilà, donc il y a toutes sortes d'outils aussi qui sont disponibles. Donc, c'est aussi de l'expérimentation. Je trouve que le numérique permet ça. Parce que souvent, on regarde un petit peu le numérique comme étant moins intéressant que le traditionnel, parce qu'on prend peut-être un petit peu moins de risques, mais je trouve qu'on peut en prendre plus, justement, puisqu'on n'a pas... On a le droit à l'erreur, en fait. On a tellement le droit à l'erreur. Ah, ça, c'est au niveau coloriage, en fait, ce qu'on me dit beaucoup, principalement, c'est que ça permet d'expérimenter, d'essayer sans trop y perdre. Sans pleurer à la fin quand on s'est trompé, puis que finalement, ça marche pas. Exactement. Il y a toujours le petit pomme Z qui est caché en arrière et qui permet de prendre un peu plus de risques, oui. Mais par contre, dans ton approche, ce qui est peut-être moins habituel, entre guillemets, c'est le côté puzzle, en fait, le côté où tu arrives avec des pièces détachées, oui. Puis tu vas les assembler, dans le fond. Et oui. Ça, c'est je suis pas tombé sur beaucoup de créateurs à date qui m'ont dit faire ça, ah, ce qui veut pas dire que t'es la seule. Ben, j'ai donné ma recette, alors tout le monde, lancez-vous. C'est extrêmement satisfaisant de faire ça comme ça. Oui, de voir, en fait, pouvoir la monter, puis de se dire, OK, voici les éléments, puis là, on travaille un peu, on travaille les compositions. Exact. C'est un peu une forme d'improvisation. Puis c'est de se faire surprendre quand on lit un livre, on est toujours un petit peu surpris. C'est le fond, on découvre page après page. Eh bien, de cette manière-là, moi, je suis surprise aussi quand je crée le livre. C'est comme si je le lisais un petit peu, mais en vitesse moins 1000, là. Mais voilà. Et puis après ça, dans le fond, évidemment, bon, la couleur se passe et le reste. Quand on dessine aussi, peut-être en illustration jeunesse, encore plus, j'ai l'impression qu'en bande dessinée, c'est des livres qui sont destinés à être lus et relus des mille fois. Oui. Il s'agit d'avoir un enfant pour savoir que le livre, on va vivre avec pendant un certain temps. Oui, on va être pris avec, donc il faut bien les choisir. Et ce livre-là aussi est un petit peu conçu pour que les parents aient du fun. Y a des petits clins d'œil. En tout cas, j'espère que ça plaît aussi aux parents. Mais j'ai eu des bons feedbacks, puisque justement la chute est inattendue. On sort des sentiers battus, la princesse n'est pas celle à laquelle on s'attend. Et en fait, il y a peut-être une petite morale, je dirais, d'aller un petit peu contre l'idée de performance, de dépassement de soi. Puis en fait c'est que la princesse, elle abandonne. J'ai dit le punch, mais elle abandonne. Et c'est de valoriser aussi, tu sais, avec les enfants, pas toujours, tu sais, quand tu vois que ça marche pas, que t'as essayé, des fois c'est peut-être juste, faut lâcher prise, voilà. Oui, d'avoir beaucoup essayé, des fois c'est suffisant. Oui, exactement, t'as fait l'effort, ça n'a pas marché, bravo, on passe à autre chose. Donc, tu resteras demain, là, c'est, oui, c'est pas grave. Exact. Et en même temps, même en fait, tu mentionnais pour les parents, évidemment, de jouer un peu avec cet élément des clins d'œil. Et pour les enfants aussi, on sent qu'il n'y a pas de routine dans tes pages. Je veux dire qu'il y a beaucoup de changements d'une page à l'autre et que l'attention du tout petit, dans le fond, on la prend en considération aussi. On lui offre du nouveau dans la mise en page, dans la structure de l'histoire aussi. On n'est pas dans les 40 visites avec un animal, des trucs comme ça, dans le rythme, dans la manière de mettre en page aussi, de proposer ton dessin. Oui, j'aime créer du rythme. Justement, la personne avant toi parlait beaucoup de... C'est un musicien, Monsieur Lepage? Oui. Donc, c'est un musicien. Et donc, c'est ça, c'est créer du rythme. Je suis aussi une ancienne musicienne, donc voilà. C'est aussi créer du rythme, de surprendre. C'est sûr que sur une BD, c'est vraiment différent, mais il y a une sorte de rythme aussi qui va être la trame des pages, oui. Chaque type a un peu son rythme propre. L'illustration, en fait, il y a une limitation dans la mesure où c'est des pleines pages, donc il y a moins de dessins. C'est condensé, puis beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de place aussi. Exact. Ouais. Donc là, vu que les pages sont plus grandes, on peut mettre des clins d'œil, des détails. Et ça, c'est ce qui est bien pour le petit lecteur de constater des trucs. Voilà. Et j'aime aussi le texte de François au niveau sonore, du rythme. C'est ça, c'est tout une question de rythme. L'écriture, l'illustration. Donc, oui. Alors, ben voilà, en fait, j'incite les gens, peut-être c'est ce genre de truc, on en parle, on le décrit, mais en librairie, prenez le temps de le feuilleter, je pense que vous allez comprendre tout ce qu'on a dit au fil de la discussion. Je vous rappelle le titre, ça s'appelle 752 Lapins, c'est un scénario de François Blais, c'est illustré par Valérie Boivin qui était avec nous en studio, c'est disponible aux 400 coups. Valérie Boivin, merci beaucoup. Merci à toi. Et au prochain livre. Oui. Alors nous, on repart en musique, dernier extrait de Philippe Braque. Dernière ligne droite pour cette édition de La Vie en BD. Une dernière ligne droite que l'on passe en compagnie d'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne de chez Pantoute. Bonjour Marco. Salut Raymond. Et Marco, ben toujours des belles sorties évidemment au fil de l'automne en route vers les fêtes. Quelques titres que tu nous amènes à nos oreilles cette semaine et on commence par un Spirou. Oui, en fait, un très attendu Spirou, pas un Spirou et Fantasio dans la série habituelle, mais plutôt un Spirou de la collection Spirou vu par, c'est-à-dire où, là où on donne carte blanche à un auteur pour nous raconter une histoire de Spirou. Et quand je dis très attendu, c'est que c'est le Spirou vu par Frank P. Écoute, Frank P. est un génie de la bande dessinée, mais qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent. C'est quelqu'un qui a créé, dans les années 90, un personnage extraordinaire qui est Broussaille. Et ensuite, il nous avait donné, chez Air Libre, une aventure qui s'appelait Zou. Mais silence complet depuis les années début 2000. Alors là, il nous arrive avec un Spirou, aidé d'un scénariste qu'on aime beaucoup, Zidrou, pour nous donner une version d'un Spirou tout à fait personnel. Alors, Spirou, qui travaille au magazine Moustique, décide de démissionner parce qu'il ne veut pas qu'on change son reportage qu'il avait fait, et décide de prendre des vacances. C'est des vacances, mais en fait, comme pour Spirou, c'est jamais vraiment des vacances. Et il va être entraîné dans une aventure où là, un peintre mystérieux qui peint des tableaux animaliers avec le comte de Champignac qui découvre un nouveau champignon. Bref, si ça reste un Spirou dans l'âme de ce qu'on connaît de l'aventurier Spirou, ça reste un Frank P. C'est-à-dire, Frank P. nous sort ces thèmes qu'il aime beaucoup, qui sont chers à lui. C'est des thèmes qui sont de l'ordre de l'écologie, de l'ordre de la nature qui transmet. C'est de la nature qui nous enseigne. Alors, Spirou est engagé dans cette forme d'aventure-là. Je te dirais que c'est un peu un prétexte de parler de Spirou-là. Ce que j'avais surtout envie de te signaler, que la parution en même temps que Spirou, c'est une intégrale de Broussaille. Oh. Oui, il vient de paraître en intégrale Broussaille, ce personnage que Frank P. a créé dans les années 90. Un magnifique personnage, 3 albums, très peu d'albums, et ensuite ça s'est arrêté. Mais avec l'intégrale, on a le droit aux 2 premiers albums, c'est-à-dire les baleines publiques et les Lumières, les Frères des Lumières, quelque chose. Je me rappelle plus du titre, mais les 2 premiers albums. Mais l'intérêt de cette intégrale-là, c'est qu'on y voit les débuts de Broussailles. Franck P. avait créé Broussailles pour animer une chronique dans le journal Spirou, une chronique sur la nature. Et déjà là, on voit que Broussailles était un personnage et que ces chroniques-là étaient pas seulement des chroniques sur la nature, mais étaient des aventures de Broussailles dans la nature pour nous enseigner des choses. Alors ça, c'est Le Spirou de Franck P., l'intégrale Broussailles. Autre titre, Marco, on parle du tome 1 d'une série qui s'appelle Chrono Squad. Oui, j'ai un auteur fétiche depuis un an et demi à peu près, un Italien qui s'appelle Panaccione. Panaccione a donné des petits récits un peu partout chez les éditeurs francophones avec des récits sans texte. Il a été, l'année passée, il nous avait sorti Un océan d'amour, une magnifique histoire sans texte d'un pêcheur qui se perd en mer et que sa femme va chercher. Une magnifique histoire, mais magnifiquement racontée, avec une maîtrise de la bande dessinée, des codes et de la narration en bande dessinée incroyable. C'est un de mes auteurs fétiches en ce moment. Et là, il nous arrive avec un autre scénariste, Albertini, probablement un Italien, avec une mini-série qui va avoir 4 albums. Ce premier album, cette série qui s'appelle Chrono Squad, est en fait de la science-fiction. Dans un avenir, on crée des voyages dans le temps, mais pour touristes. Alors, n'importe qui peut aller voyager dans le temps et passer des vacances à n'importe quelle époque. Alors, se crée un Chrono Squad, c'est-à-dire un escadron du temps, qui va être comme des policiers qui vont aller corriger quelques petites choses que les touristes vont avoir provoquées. Et une jeune recrue embarque dans un de ces escouades-là et va être mêlé à des petites aventures, mais surtout va être mêlé à des histoires où on se doute bien, si les touristes vont passer des vacances, c'est un prétexte pour des méchants et des terroristes de vouloir aller brasser des choses dans l'espace-temps. Alors, on y retrouve la façon de raconter de Paccione, c'est-à-dire de grandes séquences de temps découpées en moments silencieux. Mais on retrouve surtout l'humour qu'a Paccione à décrire certains moments. Un humour fin, un humour subtil. Et même s'il y a cet humour-là qui traîne dans l'album, c'est une méga aventure où là, l'être humain, les escadrons, les membres d'escadrons du temps, sont des humains et ils sont engagés à vouloir corriger les choses, mais en étant des humains, ils provoquent aussi des choses par des liens qu'ils font avec les gens de l'époque dans lesquels ils visitent. Donc, c'est un pavé, c'est une méga aventure, et c'est un excellent album, et les 3 autres qui sont à venir risquent d'être assez intéressants. Alors, une bonne première lancée pour la série, là. Oui. Ah oui, oui. Et parlant de série, ton dernier titre, cette semaine, en fait, tu avais beaucoup apprécié le tome 1, de ce que je me rappelle. Le tome 2, donc, Bob Moran, Renaissance. Et je fais une parenthèse, on en a parlé il y a quelques semaines, parce que le tome 3 va se faire, mais sans les scénaristes qui ont fait les 2 premiers tomes. Alors, ça sera à suivre. Mais d'ici là, le tome 2 est-il aussi bon que le tome 1? Écoute, tu sais comment j'étais énervé quand je t'ai parlé du tome 1? Eh bien, multiplie par 10. Oh, parce que là, dans la lignée, le premier tome installait quelque chose. Il nous installait Bob Moran, ce personnage qui allait devenir un héros. Il installait des relations que ce personnage-là, Bob Moran, se faisait avec des amis et des ennemis. Et dans le tome 2, on continue de cette installation-là. C'est-à-dire que Bob Moran n'est pas encore le héros. C'est encore un personnage qui arrive à se faire manipuler par des gens moins bien intentionnés. On rencontre d'autres personnages comme les méchants de l'ancien Bob Moran, de la série originelle, comme Ming, c'est-à-dire l'ombre jaune. Et ces personnages-là ne sont plus aussi noirs et blancs qu'ils étaient dans la série originale. Dans cette série-ci, les personnages, les méchants, les bons, sont teintés de gris, de bonnes intentions, mais que la fin justifie les moyens. Et Bob Moran est toujours en quête de son destin, je dirais. Et ce tome 2-là, avec le tome 1, opère comme un pilote d'une série télé. Tu sais, c'est dans la série télé, le premier épisode est toujours un peu plus long et nous installe dans la série. Eh bien, il a la même fonction. Ce tome 2 et le tome 1 ne sont qu'un, en fait. Et c'est rempli d'action, mais en même temps, c'est rempli d'observations l'observation de ce qui va se produire plus tard. Parce que Bob Moran n'est toujours pas avec Bill Ballantyne, son fidèle compagnon. Il va partir à sa recherche à un moment donné, mais c'est surtout une vision du monde. Les deux premiers albums sont surtout une vision du monde dans lequel notre héros, notre nouveau Bob Moran à nous, de cette génération-là, c'est une vision du monde qu'il devra affronter. Une vision moderne, parce que là, on a des armes modernes, mais on a aussi des motivations plus modernes dans chez les méchants. Manipuler le monde, manipuler les esprits, faire de la propagande pour certaines idéologies. Donc, le deuxième tome est aussi enlevant que le premier, mais ce que je conseille, c'est surtout de lire les deux comme s'il n'en faisait qu'un. Alors, si ça change de scénariste pour les prochains ou de dessinateur, je pense qu'avec ces deux premiers-là, avec cette série-là, Bob Moran Renaissance, je pense qu'on a le droit à une sacrée bonne série qui s'annonce. Oui, en fait, vraiment, vraiment, je suis réussi à relancer l'univers, à le repenser, à le réinventer et à se lancer une deuxième portée autour de ce Bob Moran-là, qui est une série qui, dans sa version originale, est teintée de son époque des années 60-70. Oui, non, tout à fait. C'est l'importance de cette série-là, ce qui le cachait qu'elle a, en fait, c'est la modernité qu'il y a à l'intérieur. C'est un héros de... Bon, on s'aperçoit que tout ce qu'on avait comme préjugés à partir de l'autre série des années 70-60, cette renaissance-là de ce héros-là, eh bien, il est de notre temps, il est bien moderne, il a sa façon de penser qui est d'aujourd'hui, sa façon d'agir est d'aujourd'hui, et il évolue dans un monde d'aujourd'hui. Bon, dès le premier tome, ce que je racontais, c'est que le lieutenant Moran était à la tête de Casque Bleu, et il veillait à la sécurité en lieu, au premier, je pense que ça se passe en Afrique, il faisait la sécurité entre deux factions ethniques. Alors, tout ça débute dans un monde qu'on connaît bien, et ça évolue évidemment avec les méchants et tout le reste. En fait, donc une série à découvrir, donc Bob Moran Renaissance, tome 1 et 2. Marco Duchesne, on se dit à bientôt. Ah ben oui, sûrement. Merci beaucoup. Hey, salut. Ciao. Ah voilà, Marco Duchesne, donc l'un de nos libraires en résidence. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on est beaucoup dans l'auto-édition. La Brique du Dinosaure et son équipe sera avec nous. L'équipe de La Logique du Calendrier également. Alors, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, passez une bonne soirée et une bonne semaine sur les ondes du 89.1. C'était Raymond Poirier au micro.